Bonjour à tous. Aujourd'hui, œufs farcis chimés pour 4 personnes. 8 œufs cuits durs, 200 g de champignons de Paris, une échalote hachée, 1 quart de litre de lait entier, 50 g de beurre plus 25 g, 50 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 50 g de fromage râpé, du sel et du poivre. Faire une duxelle de champignons, c'est-à-dire champignons plus échalote hachée, persuée avec un peu de beurre, réduction à sec et assaisonnée. Écaler les œufs, les couper dans le sens de la longueur, récupérer le jaune, le piler avec la duxelle, farcir le blanc d'œuf avec. Faire la sauce mornay, c'est-à-dire béchamel, plus jaune, un peu de fromage, du sel et du poivre. Dresser les œufs dans un plat à gratin, les napper de sauce mornay, le restant de fromage râpé et le beurre fondu. Faire glacer rapidement sous le grill du four. Un petit vin conseillé, un Côte du Jura blanc à boire avec modération.